Ce panneau peut mettre fin à une interdiction de dépasser, réponse A, une interdiction de stationner, réponse B, une limitation de vitesse, réponse C.